إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله اتقوا الله اتقوا الله في السر والعلن والغيب والشهادة وأكثروا من الأعمال الصالحة المقاربة إلى الله ثم اعلموا رحمكم الله أن لشهر رمضان الكريم شهر الصيام والقيام خصوصية بالقرآن فهو الشهر الذي أنزل فيه القرآن الكريم هدى للناس يقول الله تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فأخبر سبحانه بخصوصية شهر الصيام من بين سائر الشهور بأن اختاره من بينهن لإنزال القرآن العظيم فيه فإنما نزل جملة واحدة إلى بيت العزة من السماء الدنيا وكان ذلك في ليلة القدر من شهر رمضان المبارك قال الله تبارك وتعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة وقال تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وقال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن فدلت هذه الآيات الثلاث على أن القرآن الكريم أنزل في ليلة واحدة توصف بأنها ليلة مباركة وهي ليلة القدر وهي من ليالي شهر رمضان المبارك ثم بعد ذلك نزل مفرقا على مواقع النجوم يتلو بعضه بعضا بحسب الوقائع والأحداث قال ابن عباس رضي الله عنهما أنزل القرآن جملة واحدة إلى سماء الدنيا ليلة القدر ثم أنزل بعد ذلك في 20 سنة ثم قرأ ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا عباد الله ثم إنما تقدم ليدل أعظم دلالة على عظم شأن شهر الصيام شهر رمضان المبارك وأن له خصوصية بالقرآن إذ فيه حصل للأمة جل وعلا فيه حصل للأمة من الله جل وعلا هذا الفضل العظيم نزول وحيه الكريم وكلامه العظيم المشتمل على الهداية والنور والسعادة والفلاح في الدنيا والآخرة هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان الهداية لمصالح الدين والدنيا فيه تبيين الحق بأوضح بيان وفيه الفرقان بين الهدى والضلال والحق والباطل والظلمات والنور. عباد الله، فحقيق بشهر هذا فضله وهذا إحسان الله على عباده فيه أن يعظمه العباد وأن يكون موسما للعبادة وزادا عظيما ليوم المعاد، فيدل أيضا على استحباب دراسة القرآن الكريم في شهر رمضان المبارك والاجتهاد في ذلك والعناية بهذا الأمر، أتم العناية والإكثار من تلاوة القرآن فيه وعرضه وعرض القرآن على من هو أحفظ له والزيادة في مدارسته. روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. وقد كان صلى الله عليه وسلم يطيل القراءة في قيام رمضان بالليل أكثر من غيره، وهذا أمر يشرع لكل من أراد أن يزيد في القراءة ويطيل، ومن كان يصلي لنفسه فليطول ما شاء، وكذلك من صلى بجماعة يرضون بإطالته. أما سوى ذلك فالمشروع التخفيف. قال الإمام أحمد لبعض أصحابه وكان يصلي بهم في رمضان: هؤلاء قوم ضعفاء، اقرأ خمسا ستا سبعا. قال: فقرأت فختمت ليلة 27. فأرشده رحمه الله إلى أن يراعي حال المأمومين فلا يشق عليهم. وكان السلف رحمهم الله يتلون القرآن في شهر رمضان في الصلاة وغيرها، وتزيد عنايتهم به في هذا الشهر العظيم. وكان الأسود رحمه الله يقرأ القرآن في كل ليلتين من رمضان، وكان النخعي يفعل ذلك في العشر الأواخر منه خاصة، وفي بقية الشهر يختمه في كل ثلاثة أيام. وكان قتادة يختم في كل سبع دائما، وفي رمضان في كل ثلاث، وفي العشر الأواخر كل ليلة. وكان الزهري رحمه الله إذا دخل رمضان قال: فإنما هو تلاوة القرآن وإطعام الطعام. وكان مالك رحمه الله إذا دخل رمضان يفر من قراءة الحديث ومجالسة أهل العلم ويقبل على تلاوة القرآن من المصحف. وكان قتادة يدرس القرآن في شهر رمضان. وكان سفيان الثوري إذا دخل رمضان ترك النوافل وأقبل على قراءة القرآن. والآثار عنهم في هذا المعنى كثيرة. سيحفظ الله كي الله dans ce qui est caché et dans ce qui est apparent, et faites de nombreuses œuvres qui sont bonnes et qui vous rapprochent à Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis sachez que le mois du Ramadan dans lequel nous sommes, un mois de jeûne et de prière, il a une particularité par rapport au Coran, puisque c'est dans le mois du Ramadan que le Coran a été révélé comme une guidance pour les hommes. Allah subhanahu wa ta'ala dit: le mois du Ramadan dans lequel le Coran a été révélé, c'est une guidance pour les hommes et des preuves claires de la guidance et du discernement. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala a informé de la particularité de ce mois de jeûne par rapport à tous les autres mois, et il l'a choisi parmi tous les autres mois pour faire descendre le Coran. Et le Coran a été révélé de Bayt al-Abayt, yani Allah subhanahu wa ta'ala l'a fait descendre à Beit al-Izza dans le ciel, le dernier cieux. Et il est descendu d'Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à Beit al-Izza, une maison ou un endroit entre, yani, là où il y a le ciel de la dunya. Il l'a fait descendre d'une seule fois. Et c'était la nuit de la destinée, Laylatul Qadr. Et c'était une nuit du mois béni de Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala mentionne dans le Coran qu'il a fait descendre le Coran dans une nuit bénie. Et il mentionne qu'il l'a fait descendre dans la nuit de la destinée, Laylatul Qadr. Et il mentionne également qu'il l'a fait descendre dans le mois du Ramadan. Et donc ça indique que le Coran a été révélé dans une seule nuit, d'Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à Beit al-Izza. Il l'a fait descendre dans cette nuit bénie, Laylatul Qadr, qui fait partie du mois du Ramadan. Puis ensuite, il l'a fait descendre de Beit al-Izza jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam par l'intermédiaire de Jibril alayhi salam, yani de façon fragmentée et yani graduellement, selon les événements qui se produisaient. Et Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu, c'est ce qu'il a expliqué, que le Coran a été révélé la nuit de Laylatul Qadr. Allah subhanahu wa ta'ala l'a fait descendre à Beit al-Izza, qui est dans le dernier des cieux, le ciel de la dunya. Et puis ensuite, à partir de ce moment-là, il l'a fait descendre pendant 20 ans sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il mentionne les versets dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie, et ils ne t'amèneront pas un exemple ou un argument pour essayer de contrer la vérité, excepté que nous allons te faire venir la vérité à son sujet et la meilleure explication. Et il mentionne également la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui signifie, et nous avons fait descendre le Coran que nous avons fragmenté pour que tu le lises aux gens lentement, et nous l'avons fait descendre graduellement. Serviteur d'Allah, tout ce qu'on a mentionné, c'est une indication de la grandeur et de l'importance de ce mois de jeûne, le mois du Ramadan qui est béni. Et il a la particularité du Coran. Et dans ce mois, il y a un grand bien que Allah a fait descendre sur cette umma. Il a fait descendre sa révélation et sa parole qui contient de la guidance et de la lumière pour les hommes, et qui contient le bonheur et le succès dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. C'est une guidance pour les hommes et des preuves claires de la guidance et du discernement. Une guidance pour les biens de la dunya et pour les bienfaits de l'au-delà. Et il y a dedans la clarification de la vérité qui est clarifiée de la façon la plus claire. Et un discernement entre la guidance et l'égarement, entre la vérité et le faux, entre les ténèbres et la lumière. Serviteur d'Allah, ce mois est un mois rempli de bienfaits. C'est un mois dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a fait un grand bien à ses serviteurs, et que les serviteurs doivent respecter. C'est un mois pour l'adoration, une provision pour le jour de la résurrection. Et donc ça indique également qu'il est recommandé d'étudier le Coran durant le mois du Ramadan, durant ce mois de jeûne béni, qui est un mois d'effort et un mois dans lequel on doit donner une attention particulière à la lecture du Coran, et de le lire beaucoup et de le réciter à celui qui le mémorise, et d'augmenter son étude pour essayer de mieux le comprendre et de mieux l'appliquer. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, ou bien plutôt le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith qui est rapporté par Abdullah ibn Abbas dans Al-Bukhari et Muslim, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était généreux, était le plus généreux des hommes, et en particulier dans le mois de Ramadan, lorsqu'il rencontrait Jibril alayhi salam, et dans chaque nuit il récitait le Coran à Jibril et il l'étudiait avec Jibril. Et donc le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il rencontrait Jibril, alayhi salam, il était plus généreux que le vin qui ramène le bien. Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, récitait des longues prières la nuit pendant le ramadan. Et il prenait des nuits de prière plus longues que d'habitude pendant le ramadan. Et c'est quelque chose qui a été légiféré, de lire le Coran la nuit et de prier de longues prières. Celui qui prie pour les gens, qui est imam dans la mosquée, qui fait le tarawih, s'il prie tout seul, il peut prolonger comme il veut. Tandis que s'il prie derrière, et qu'il y a des gens derrière lui, s'ils sont satisfaits, qu'il prolonge la récitation et qu'il la fasse très longue, s'ils sont contents et sont satisfaits de ça, dans ce cas-là, c'est correct, il peut le faire. Toutefois, il doit tenir compte des gens qui sont derrière lui. Parce que la sunna, lorsqu'on prie pour des gens et qu'on est imam, c'est qu'on doit alléger la prière pour les gens et ne pas la faire trop longue. Et l'imam Ahmad, rahimahullah, il disait à certains de ses compagnons qui faisaient la prière dans le ramadan, dans la mosquée, il dirigeait les gens, il leur a dit, ces gens-là sont faibles. C'est-à-dire, ils sont faibles physiquement, ou bien peut-être qu'ils ont aussi la foi faible. Alors tu leur lis 5 versets, 6 versets ou 7 versets, mais tu lis pas trop long. Et il dit finalement, on a terminé la récitation du Coran en entier la nuit du 27. Et donc, il doit tenir compte de la situation des gens qui sont derrière lui. Et parmi les pieux prédécesseurs, parmi les salafs, rahimahumullah, certains d'entre eux récitaient le Coran en entier plusieurs fois pendant le ramadan. Et ils donnaient plus d'efforts à la récitation du Coran pendant le ramadan que le reste de l'année. Par exemple, un parmi les tabi'in, un des élèves des sahaba, il récitait le Coran chaque deux nuits. Il complétait le Coran au complet à chaque deux nuits dans le ramadan. De même que An-Nakhai, Ibrahim An-Nakhai, dans les 10 derniers jours en particulier, il récitait chaque deux nuits. Et le reste du mois, il le terminait dans chaque trois jours. Qatada, un autre parmi les tabi'in, il récitait le Coran en entier chaque 7 jours. Et dans le ramadan, il le faisait à chaque 3 jours. Et en particulier dans les 10 derniers jours, il le récitait chaque nuit, le Coran en entier. L'imam Az-Zuhri, lorsque le ramadan arrivait, il disait, il n'y a que la récitation du Coran et de nourrir les gens. Et l'imam Malik, rahimahullah, lorsqu'entrait le ramadan, il s'éloignait de la récitation ou de la lecture des hadiths et des assises avec les hommes de science, et il se tournait vers la récitation du Coran. De même que Qatada, il étudiait le Coran pendant le mois de ramadan. Et également Sufyan al-Thawri, pendant le mois de ramadan, il laissait de côté les prières surérogatoires et il se tournait vers la récitation du Coran. Et les paroles des salafs à ce sujet-là sont très nombreuses. Razaqallahu wa iyyakum husna ittiba'ihim wa sayri ala atharihim wa nas'aluhu tabaraka wa ta'ala bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula an yaj'al al-Qur'an al-azim rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala'a ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. عباد الله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، إن العناية بالقرآن قراءة وحفظا، تعلما وتعليما، مدارسة ومذاكرة، تدبرا وتفهما، عناية وتطبيقا، دعما ومساندة، إن ذلك كله لمن سمات الأخيار وعلامات الأبرار. وكلما ازدادت الأمة وازداد المسلمون تمسكا بكتاب الله وعناية به ومحافظة عليه وتعلما وتعليما، زادت فيهم الخيرية ونما فيهم الفضل وكثر فيهم الخير. روى البخاري في صحيحه عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فالخيرية عباد الله مرتبطة بالقرآن، فكلما ازدادت الأمة تمسكا بالقرآن قراءة وحفظا، تلاوة وتدبرا، عملا وتطبيقا، زاد الخير فيهم ونما الفضل وعظم النبل بحسب تمسكهم بكتاب الله عز وجل. ولهذا روى أبو القاسم أو أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه فضائل القرآن عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: عليكم بالقرآن، فتعلموه وعلموه أبناءكم، فإنكم عنه تسألون وبه تجزون، وكفى به واعظا لمن عقل. عباد الله، إن شأن القرآن العظيم ومكانته عالية، فهو سبيل عز الأمة وأساس سعادتها وطريق فوزها وفلاحها في الدنيا والآخرة. فالواجب علينا عباد الله أن تعظم عنايتنا بالقرآن، وأن يزداد اهتمامنا به، ولا سيما وأننا نعيش شهر القرآن، شهر رمضان المبارك. عباد الله، إن من العناية بالقرآن دعم المساجد ودور الخير وحلق القرآن التي أسست وأقيمت لتعليم القرآن، فالإنفاق في هذا المجال وبذل المال في هذا الطريق من علامات الخير ومن أمارات الصلاح ومن الأمور التي ندبت إليها ندبت إليها الشريعة وحث عليها الإسلام. فالواجب على الذين من الله عليهم بالمال أن تجود أنفسهم بالخير، ولا سيما بدعم كتاب الله ونشره وتعليمه ودعم حفظه وتلاوته. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. Serviteur d'Allah, sachez que de donner une grande importance au Coran, à sa mémorisation et à sa récitation, à son étude et à son enseignement, à la révision et à la mémorisation et au rappel, et à la réflexion et à la compréhension du Coran, de donner au Coran une importance et de l'appliquer, surtout après l'avoir compris, tout ça fait partie des caractéristiques et des signes des gens de bien, des signes des gens pieux, des gens qui sont sur la bonté. Et plus la Umma augmente dans l'accrochement et dans le fait de se cramponner au livre d'Allah et de donner de l'importance au livre d'Allah et de le mémoriser et de l'enseigner et de l'apprendre et de l'étudier, et bien plus elle augmente dans le bien et dans le mérite, et plus elle augmente dans tout ce qui est bon. Combien d'entre nous on étudie réellement le Coran? Combien d'entre nous on lit le Coran régulièrement? au moins chaque jour. Combien d'entre nous, on mémorise le Coran, ou on fait des efforts pour essayer de le mémoriser? Combien d'entre nous? Donc c'est un moment, ce mois du Ramadan, pour faire des efforts. Combien d'entre nous ont lu au moins une fois le Coran au complet, du début à la fin? Combien d'entre nous ont lu un tafsir du Coran au moins une fois pour comprendre la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala? Combien d'entre nous ont écouté des cours par les ulama de l'islam sur le tafsir du Coran selon les livres écrits par les ulama de l'islam pour comprendre la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala? Donc si la réponse à ces questions-là, elle est négative, eh bien ça c'est le moment maintenant. C'est le mois du Ramadan, le mois du Coran. Et donc c'est le moment de faire l'effort pour essayer justement de le lire. Comment Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur des cieux et de la terre, le maître de l'univers, il a révélé à l'humanité un livre et on ne le lit pas? Alors que certains d'entre nous, parfois, on prend de notre temps pour lire des romans écrits par des êtres humains, des livres écrits par des philosophes ou par des kuffars ou par toutes sortes de personnes qui sont dans l'égarement, et on lit leurs livres et on les achète à de prix très élevés pour les étudier. Et on ne va pas donner d'effort, on ne va pas faire d'effort pour lire la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Approchez-vous un peu. Et donc c'est le moment de faire des efforts. L'imam al-Bukhari, il a rapporté que Uthman ibn Affan radiallahu anhu a mentionné que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: le meilleur d'entre vous, c'est celui qui enseigne le Coran, c'est celui qui apprend le Coran et qui l'enseigne. Et donc le bien est relié au Coran. Plus on s'accroche au Coran, plus on le lit, plus on le mémorise, plus on le récite, plus on médite sur son sens et sa signification, plus on le met en application, plus on juge selon ses lois et on le prend comme guide dans notre vie, hein, avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et bien plus on augmente dans le bien et dans le mérite. Plus on s'accroche au livre d'Allah, plus on est dans le bien. Et comme Abu Ubaid al-Qasim ibn Sallam, un des imams parmi les imams des salafs, il dit dans son livre sur le mérite du Coran, selon Abdullah ibn Amr ibn al-As: accrochez-vous au Coran, apprenez-le et enseignez-le à vos enfants, parce que vous allez être questionnés, et c'est par le Coran que vous allez être récompensés. Et cela est suffisant comme exhortation pour celui qui réfléchit. Serviteur d'Allah, sachez que la place du Coran, elle est importante, elle est grande et elle est élevée. Et c'est le chemin de la fierté et de la puissance pour la Ummah. C'est la base de son bonheur. C'est la voie de son succès et de sa réussite dans cette vie d'ici-bas et dans l'autre vie. Et donc il est obligatoire pour nous, de donner au Coran une importance et une importance encore plus particulière durant le Ramadan. Et ceux d'entre nous que Allah a béni avec plus de richesses et plus de biens devraient faire des efforts pour également aider et faire des dons et financer les lieux où on enseigne le Coran et où on l'explique et on le propage et on l'enseigne et on le fait mémoriser aux gens. Et tout ce que vous faites comme bien, vous le trouverez auprès d'Allah au jour de la résurrection. Et donc faites des efforts pour lire le Coran et pour essayer de le comprendre aussi en lisant le tafsir des ulama et en essayant de le comprendre dans le tafsir des ulama, comme le tafsir d'Ibn Kathir, le tafsir de Cheikh Al-Sa'di, de Rahman Al-Sa'di, qui est un tafsir très simple mais très bénéfique. Et il y a aussi le tafsir beaucoup d'autres tafsirs qui ont été écrits, qui sont simples et qui sont bénéfiques, comme le tafsir de l'imam al-Baghawi. Hein? Et il y a d'autres tafsirs qui sont plus volumineux et qui sont plus détaillés, comme le tafsir de l'imam al-Tabari ou le tafsir de l'imam al-Qurtubi. Mais ça, c'est des encyclopédies, c'est des 10 volumes ou plus. Donc ça, c'est peut-être pas bénéfique pour tout le monde, puisque c'est pas tout le monde qui a le niveau. Mais sinon, les tafsirs comme le tafsir Ibn Kathir, le tafsir de l'imam al-Sa'di, Cheikh al-Sa'di, et le tafsir de l'imam al-Baghawi, ces trois tafsirs qui sont résumés et qui sont très très très bénéfiques. Donc faites des efforts pour essayer d'apprendre le Coran, de le réciter et d'apprendre sa compréhension et sa signification. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله محمد رسول الله حي الصلاة حي الفلاح الخمس الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله. استووا اعتدلوا سووا صفوفكم. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.